Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Quand j'ai commencé à travailler pour Monsieur Proust, du côté de chez Swann venait juste de paraître chez Grasset. La NRF qui avait refusé le manuscrit a fait campagne de désespoir d'avoir raté ça. Et Gallimard et les autres ont commencé les frais pour essayer de rattraper la chose. Proust m'a dit « Céleste, on n'a jamais lu mon manuscrit. On n'a jamais ouvert mon paquet chez Gallimard. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que si artiste que vous soyez, pour refaire le petit nœud au même endroit, eh bien c'est difficile. Et mon paquet m'est revenu comme je l'avais envoyé. C'est Gide qui a dit à Bibesco « Notre maison ne publie pas des choses d'un dandy mondain comme ça. » Mon camélia leur a fait croire que j'étais un bon à rien. Voilà la conclusion. C'est vrai qu'on le représente toujours avec son camélia. Je le trouvais très drôle quand il racontait tout ça. Il le disait avec une telle gentillesse. Les approches de l'équipe de la NRF ont duré 2 ans. C'est là que Monsieur Proust a commencé à bien rire, et je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que j'y ai assisté. Jacques Rivière, le directeur de la revue, était furibard qu'ils aient laissé partir l'œuvre de Proust ailleurs. Il était gentil, Rivière. Il était intimidé par Proust, mais Proust l'aimait beaucoup. Alors, le comité de la NRF a exprimé par lettre son repentir. Et voilà le Gallimard. Tout le monde voulait qu'il vienne. Gide lui-même a fait son chemin de Canossa. Il est venu se frapper la poitrine boulevard Haussmann. Oh, le dandy mondain les intéresse à présent. Eh bien, Céleste, laissons le temps. Et il riait en me disant « Je les tiens et je les laisserai bien venir. » Mais comme un enfant, vous savez, il y avait sa malice. Je riais aussi car il me tenait dans l'axe en quelque sorte de sa manière de faire. De son lit, il dirigeait toute la manœuvre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme démarche? Gide, Rivière, il y avait Copeau aussi dans le jeu. Et Monsieur Gallimard, qui paraît un peu papillon, avait une secrétaire, Madame Le Marié. Qu'est-ce qu'elle est venue sonner à la porte? Et vous comprenez, il faut se dépêcher, et Monsieur Gallimard m'a écrit, et c'est difficile avec la guerre, et c'est difficile avec le papier, avec tout. Et après les avoir laissés languir 2 ans, Monsieur Proust a décidé que le moment était venu de faire sa paix avec la Nouvelle Revue Française. Gide lui avait écrit. Lettre qui fut immédiatement suivie d'une visite de remords et de repentir ventre à terre. Il confessait avoir été beaucoup responsable, c'est le moins qu'on puisse dire, du refus de Swann. Et il déclarait se délecter à présent du livre. « Depuis quelques jours, je ne quitte plus votre livre. Je m'en sursature avec délice. Je m'y vautre. » Je pense que c'est un des moments de sa vie où il s'est le plus amusé. « Céleste, j'ai écrit à Monsieur Gide pour faire la paix, puisqu'il semble croire que je suis en guerre avec lui. Vous allez prendre une voiture et porterez cette lettre directement chez lui. » J'y vais, je sonne, une femme ouvre la porte. « Que voulez-vous? Pourrais-je remettre cette lettre à Monsieur Gide en personne, s'il vous plaît ?»« De la part de qui ?» Je lui donne le nom. Aussitôt, elle me dit « Attendez un instant, je vais prévenir Monsieur Gide. » Gide est descendu tout de suite. Il a pris la grosse lettre et m'a demandé s'il y avait une réponse. J'ai dit que oui. Il m'a fait asseoir. Je l'ai beaucoup regardé tout le temps que ça a duré. Il y avait quelque chose d'assez indéfinissable que je n'aimais pas dans son aspect comme dans son visage et dans son regard. Quelque chose de pas vrai. Une fausse sincérité. Bon, cela dit, très aimable. À mon retour, je fais mon rapport à Monsieur Proust, car chaque fois que j'allais porter un message quelque part, il fallait toujours que je donne la description du décor et des personnes. « Dites-moi un peu comment c'est, Villa Montmorency. » Et il écoutait comme un enfant, avec un petit sourire de côté. Il était très drôle. Je lui ai décrit la petite porte, l'escalier, l'obscurité. « Et qui vous a reçu ?» Je décris une paysanne, habillée comme était ma mère, avec une robe à fronces, simple, comme ça. Il secoue lentement la tête. « Ah, Céleste, c'est la pauvre Madame Gide qu'il me dit. » « Et Monsieur Gide lui-même, comment l'avez-vous trouvé ?»« Je n'aime pas cet homme, il ne me plaît pas du tout. » »« Mais pourquoi, Céleste ?»« Il y a quelque chose qui est caché dans sa façon, un manque de franchise. » Il a l'air d'un faux moine. Proust a été pris d'un fou rire. Là-dessus, on a sonné C'est Gide qui arrivait. Je suis allée ouvrir, il était enveloppé dans sa cape de bure, qu'il n'a pas quittée, qu'il tenait avec sa main comme ça, et avec sa tête comme ça. Je l'ai fait entrer dans le petit salon et j'ai prévenu Monsieur Proust. Le faux moine est là. Après son départ, Monsieur Proust m'a fait revenir pour le récit. Il était triomphant. Il m'a raconté que Gide avait fait amende honorable. « Oui, Monsieur Proust, je vous le confesse, c'est la plus grande erreur de ma vie. »« Oui, mais est-ce qu'il a ouvert le paquet ?»« Ah non, Céleste, il ne l'a pas ouvert, c'est sûr. » En tout cas, le surnom de faux moine est resté dans nos conversations. Mais il était très heureux d'aller à la NRF. Et avec les jeunes filles en fleurs, ils ont eu le Goncourt. Alors, fallait voir s'ils étaient contents. C'était le 11 décembre. Il était vers 5 ou 6 heures du soir. On sonne, je vais ouvrir. Je vois sur le palier un homme qui me dit être Gaston Galimard. « Vous savez la nouvelle ?»« Non, laquelle ?»« Monsieur Proust a eu le prix Goncourt, il faut que je le voie tout de suite. »« Oh !» j'ai dit, « bien, je vais le voir. » Alors je frappe, j'entre et je dis « Monsieur, quelle grande nouvelle, comme je suis contente !»« Quoi ?»« Vous êtes pris Goncourt. Monsieur Galimard est dans une excitation terrible. Il faut que vous le receviez. C'est absolument urgent. » Il m'a regardé et a seulement fait « Ah !»« Je ne le recevrai pas, Céleste, je ne peux pas. » »« Dites à Monsieur Galimard que je le remercie infiniment, mais qu'il vienne vers 10 heures ce soir ou demain. » Alors Galimard me dit « Mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible, parce que vous savez, mais il faut faire des tirages. Il faut faire tirer à je ne sais pas combien il m'a dit. Il faut que je prenne le train ce soir pour Deauville, et puis le papier, etc., etc. » Je lui ai dit, « Que voulez-vous ? Il ne peut pas vous recevoir. » « Ah mais si, mais il faut qu'il me reçoive. Mais c'est une affaire contre lui-même. C'est impossible, il faut que je le voie. Et papa, papa, papa, papa, papa, papa, ah il m'en débite. Ah si vous l'aviez vu, je vous assure, il dormait pas. » Alors je m'en vais retrouver encore Monsieur Proust et je lui dis, « Écoutez, il faut quand même que vous le receviez, parce qu'il faut qu'il prenne son train, parce que pour le tirage, il n'a pas le papier qu'il veut, il a des difficultés. Allons, monsieur, faites un petit effort, je lui ai dit. » « Oh, eh bien, dites-lui d'entrer. » Et j'ai été le chercher. Il n'est pas resté longtemps. Je crois bien que c'est la seule fois qu'il l'a vu. Ce qui était drôle, c'était l'après-visite, après qu'il ait congédié Galimard. « Et vous savez maintenant, Céleste, je ne veux recevoir personne. Surtout pas les journalistes. Les journalistes sont tous des bandits, fichez-les tous à la porte. Je ne veux parler à personne, et ne dites rien surtout. » Mais le prix Goncourt lui a fait très plaisir. Il était très fier, très content. C'était « Monsieur Proust » de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.